sors d'ici, secoue tes envies, avale un café, éteins la télé. Dehors il fait doux, viens rire avec nous. La journée est belle, tout le monde t'appelle. Ton chien qui aboie, l'odeur du lilas. Le vent sur ton cou, viens rire avec nous. Ton vélo file au bord de l'eau. Viens nous retrouver, on va se paquer. Et puis boire un coup, viens rire avec nous. Y'a Louis qui me bricole, toujours sa bagnole. Manon qui s'entête avec sa raquette. Paul au barbecue, viens rire avec nous. Sa guitare, son fils, son moutard, qui roupille encore. Nicolas nous sort sur la gueule de son rire avec nous. Allez aujourd'hui, oublie tes soucis. On va lundi Jean-Marc faire un tour en barque. Suer comme des fous, viens rire avec nous. Allez, sors du lit, pense à tes amis, avale un café, éteins la télé. Viens rire avec nous.